dice, dice, dame salsa. Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. C'est FPP, donc la jungle des luttes, émission proposée tous les troisièmes lundis du mois et retransmis le quatrième jeudi du mois. Mais par contre, là, le lundi, c'est 19h-20h30, donc en direct, et le jeudi, quatrième, de 8h à 9h30. Et donc, la jungle des luttes, c'est une émission proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On se retrouve le premier, c'est pour ça que je me suis embrouillée tout à l'heure, le premier seulement mercredi du mois maintenant. Donc, si vous voulez nous voir, il y a peu de chance, mais on est là. Premier mercredi du mois maintenant au CICP, puisque les locaux de la CNT sont en travaux. Et donc, on est au CICP, rue Voltaire, métro, rue des Boulets. C'est une assemblée ouverte, donc vous pouvez appuyer sur le bouton pour qu'on vous ouvre. Et voilà, c'est ouvert. On discute donc des apatistes qui se sont soulevés en 94 au Mexique, pour ceux qui n'ont aucune idée de qui sont les apatistes. Mais on parle surtout de toutes les luttes, puisque les apatistes nous appellent surtout à faire des ponts entre les luttes. Et donc, depuis 30 ans que le comité existe, c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye aussi de faire dans cette émission. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de la péniche. Vous aviez entendu parler de Remise à Flot, ce réseau qui a été constitué entre des producteurs et des consommateurs, et qui donc, les consommateurs commandent des produits directement aux producteurs via l'association Rafio, qui, elle, se charge de faire transiter ces produits sur les canaux, donc c'est du transport fluvial, ce qui est évidemment beaucoup plus écologique que le routier, même si c'est plus lent, c'est même aussi moins cher. Et comme il s'agit surtout de conserves, donc il y a pas de souci. Donc on vous parlera de ce projet dont on a déjà parlé. On parlera ensuite, puisque c'était nos 30 ans, là, le CSPCL a fêté ses 30 ans en février 2025. On a eu plusieurs événements dont on vous a parlé à plusieurs reprises, puisqu'on a fait un concert, et c'est notamment justement l'intervention qui avait été faite au CICP lors du concert CCC à l'occasion justement des 30 ans du CSPCL. Il y a toujours associé au concert CCC, Collectif Contre-Culture, l'émission Construy, qui a pendant longtemps été sur les ondes de FPP et qui donc fait une émission il y a 30 minutes qui était consacrée donc au CSPCL. Donc on vous les fera partager pour ceux qui ne connaissent pas bien le CSPCL. Ça permet d'avoir une idée de qui on est, puisqu'on ne peut pas le répéter à chaque fois, à chaque émission. Et on parlera ensuite de l'actualité au Chiapas ou des derniers événements, en vous lisant justement un texte que les apatistes ont écrit à propos d'un dernier événement, et également des différentes activités qu'on va proposer le 31 mai et le 1er juin. Donc vous pouvez déjà, si vous n'écoutez pas jusqu'au bout l'émission, noter qu'il faut, si vous voulez, venir à La Parole Errante le 31 mai dans l'après-midi et le dimanche, le 1er juin, un peu plus tôt, en début d'après-midi, pour des activités autour des apatistes le dimanche et le samedi, plus centrées sur notamment, mais on en reparlera bien en détail après, l'inauguration du buste de Samir Flores, assassiné par le gouvernement il y a déjà plusieurs années. Un militant, un compañeros vaillant qu'on regrette et dont on a parlé, mais sur lequel on va pouvoir reparler. Puis je parlerai peut-être aussi quand même Oui, bah voilà, je vous parlerai aussi des soulèvements de la Seine, mais ça, ça sera dans la suite de la péniche, puisqu'il faut défendre aussi le réseau fluvial et surtout combattre ce grand projet pharaonique de sur la Seine, dans le nord de la France. Bon, bah, merci d'être avec nous jusqu'à 20h30. C'est la jungle des luttes. On fait une petite pause musicale pour se mettre bien dedans. À toutes. To be bold, I have to be brave. Got to stay strong, never bend my back and throw my chance away. Que nunca falte valentía, aunque la vida parezca sombría, aunque el sudor sea de sal fría, aunque no tengamos ninguna garantía. Shall we keep away sorrow and fear when the day is gone and the lights appear? We rise our voices loud and clear. Que no nos falte valentía. Sentir el miedo y atreverse a dar el paso. Muy a pesar de la amenaza del fracaso. Es el error el que me alienta a hacer el trazo. Salto hacia el vacío sin darle un previo vistazo. Ese temblor ya no me paraliza. Hoy es la chispa transmutada que me moviliza. Camino construyéndome el destino y voy sin prisa. La vista es más hermosa aquí desde la cornisa. This is a note to myself. I'm feeling bad, bad. I know to myself when I'm getting mad. I gotta follow my gut, follow my feelings, swallow my fear, fear, testing my limits. Taste, touch, sight, smell, I got the sound and more rhythm, senses than that. I care about me, cause I'm too concerned, but I keep on teaching and learning. Que nunca falte valentía, aunque la vida parezca sombría, aunque el sudor sea de sal fría, aunque no tenga ninguna garantía. Shall we keep away sorrow and fear when the day is gone and the lights appear? Shall we rise our voices loud and clear? Que no nos falte valentía. They tell me don't be rash and take your time. Don't be too reckless, slow down, down. I need a bridge, still many roadblocks in the journey I've got. They tell me don't be rash and take your time. Don't be too reckless, slow down. Provoca la emoción para recabar la fuerza que nos dé la propulsión. Ir como flecha justo al blanco de nuestra intención. Vencer el pánico de no lograr una buena actuación. Hacer de sobresalto nuestro aliado en vez de un adversario. Agradecer lo que nos ha enseñado y nos ha dado. Pero llegó el momento de moverlo para un lado. Ya no soy el gusano, ahora soy un ser alado. Y nunca falte valentía, aunque la vida parezca sombría, aunque el sudor sea de sal fría, aunque no tenga ninguna garantía. Shall we keep away sorrow and fear when the day is gone and the lights appear? Shall we rise our voices loud and clear? Que no nos falte valentía. En 6.3, la jungle des luttes, donc on est ensemble jusqu'à 20h30 et donc on vous parle de remise à flot, donc c'est cette péniche qui une fois par an part du sud de la France, elle part de Agde, qui remonte jusqu'à Paris en faisant une première pause dans le sud de Paris vers Ivry et puis qui s'arrête sur Paris, Pantin, Saint-Denis, l'Île-Saint-Denis. Et donc pour les personnes qui sont donc en région parisienne, vous pouvez commander vos produits, c'est une commande annuelle. Et donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant puisqu'il vous reste un mois si vous êtes intéressé. Donc je vous donne une adresse si vous voulez écrire pour dire que vous êtes intéressé et que vous voudriez recevoir le bon de commande. Et donc rien ne vous oblige à remplir ce bon de commande une fois que vous l'avez reçu. Et en sachant que donc les commandes, c'est des lots groupés, donc c'est bien d'être plusieurs copains, copines. Après, vous pourrez peut-être éventuellement rencontrer des gens qui, eux, commandent déjà et vous joindre à un groupe. En attendant, vous pouvez donc écrire à remise à flot au pluriel, donc remise au pluriel, A et Flo avec un S. Le A, c'est sans accent en général, hein, comme toutes les adresses mail. C'est remiseaflo@gmail.com. Donc, vous pouvez éventuellement aussi rencontrer les gens de l'association Rafio, qui donc a acheté la péniche, c'est ça dont on vous avait parlé, parce que jusque-là, elle était à une coopérative. Et là, ils voulaient la mettre en vente. Donc, il y a eu cet appel à don là, en fin d'année dernière. Et donc, la péniche a été achetée. Et donc, cette péniche, elle est amarrée à l'île Saint-Denis. Donc, vous pouvez ce week-end, justement, aller sur la péniche. Vous pourrez y rencontrer des gens, comprendre le fonctionnement, déguster également des produits. Et donc, c'est le 24 et 25 mai de 11h à 19h. Et c'est au niveau de la rue Pasteur. Il faut prendre le petit quai du Moulin. Et donc là, vous avancez sur un chemin en terre et là, vous verrez Séraphine, la péniche Séraphine. Bon, bah, sinon, vous criez Séraphine. Il y a sûrement quelqu'un qui vous entendra, qui comprendra que vous voulez rejoindre la péniche Séraphine qui donc est amarrée cet hiver là-bas, qui a été amarrée cet hiver là-bas et qui donc très prochainement va redescendre dans le sud pour charger donc les produits qui sont achetés directement aux producteurs, et donc on paye directement les producteurs, il n'y a pas d'intermédiaire. La seule chose, c'est qu'effectivement, l'intermédiaire, c'est le transport, mais ça, c'est le coût du transport. C'est à but lucratif, c'est des gens qui sont bénévoles. On paye uniquement le marinier, puisque c'est quand même un vrai travail et une vraie responsabilité. Donc voilà, les frais, c'est les assurances. Là, il faut quand même un petit peu de gasoline. Donc les frais de bouche du marinier. Et puis, le rémunérer, son salaire. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi pour... ça fait quand même déjà plus de 27 ans que ce voyage se fait. Ce qui veut dire qu'il y a des paysans, producteurs, vignerons, apiculteurs... qui compte sur ce voyage en réalité, puisqu'il y a pour certains une grande partie de leur production qui est assurée avec ce voyage, comme un apiculteur dont la moitié de sa production est chargée sur cette péniche. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir des produits qui ne sont pas toujours labellisés, mais qui sont propres. Parce que on peut discuter longuement de la question des labels. Après, c'est justement la question de confiance qu'on a en ces producteurs, en ces personnes qui respectent leur bétail ou leur terre ou tout simplement eux-mêmes et leur travail. Donc voilà, du coup, c'est quand même un beau projet, même si ça paraît un peu ridicule parfois de se dire mais pourquoi je vais commander une fois par an des conserves. Bon, mais en fait, quand on rentre dans là, on me fait signe qu'il n'y a pas que des conserves, hein, parce que j'ai parlé du miel et tout, mais il y a du riz, il y a des farines, du café zapatiste, mais aussi du vin et plein de vin. D'ailleurs, c'est intéressant puisque faut du poids, hein, pour transporter une péniche. Donc effectivement, il n'y aura pas de tisane parce que ça prend beaucoup de place et ça ne pèse pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas intéressant parce que l'objectif, c'est un voyage par an, autant le rentabiliser. Et donc, avec du poids. Et puisque, c'est l'objectif de pouvoir avoir justement des produits qui... n'y a pas de péremption rapide. Donc voilà, c'est un voyage qui dure plus de 3 semaines. Et donc, les livraisons se font en septembre, fin septembre et octobre en général. Et donc, c'est sur cette idée de rapport direct aussi avec les producteurs, des gens avec qui il y a une confiance qui s'est quand même instaurée depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est super intéressant aussi de pouvoir découvrir à travers les produits aussi des modes de production, puisque des fois, on est très éloigné en région parisienne de cette vie. Et donc, du coup, il y a moyen de pouvoir les rencontrer si un jour vous allez dans le sud aussi, parce que c'est des gens ouverts et curieux. Et donc, vous pouvez aussi, vendredi soir, parce que j'ai parlé de ce week-end, si vous voulez aller visiter Séraphine et rencontrer les personnes, vous pouvez également, toujours sur l'île Saint-Denis, vendredi soir, aller au café associatif Pan Café. C'est à partir de 19h, 9 Place de la Libération. Et donc là, ce sera une présentation avec une dégustation également. Et donc voilà, c'est l'idée aussi d'être directement avec les producteurs, mais au-delà de promouvoir le réseau fluvial. C'est important, on a un réseau de canaux très impressionnant en France qui sont malheureusement très peu exploités et en plus carrément plus entretenus depuis peut-être plusieurs dizaines d'années. Et c'est un grand dommage, surtout qu'aujourd'hui, ils sont en train de vanter ce super projet XXL dans le nord de la France, et donc notamment le canal Seine-Nord avec une méga bassine, parce que c'est construire un méga canal, en fait. Et donc, pour que ce méga canal il puisse être alimenté, il faudrait construire une méga bassine de 22 fois la taille de Sainte-Soline. Donc, une destruction de 2500 hectares. Mais au-delà, il y a encore une zone qui serait touchée, c'est les Green Docks en Seine-Saint-Denis. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est tout près de nous. Et puis également encore le drainage de la zone humide de la Bassée, où là, on parle de 30 000 hectares. Donc ça, c'est le sud de Paris, sud-est. Et puis, il y a la bétonisation du triangle de Gonesse. Donc en fait, c'est quatre événements qui sont liés aux quatre combats, puisque ça, c'est un même combat, mais sur quatre zones différentes. Donc sur le méga canal, là, à Compiègne, il y a déjà eu l'événement, c'était le 17 mai. Donc c'était il y a deux, trois jours. Et par contre, donc là, il y aura un autre événement. Je le dis vite fait, le 1er juin, Green Dock, mais il faut venir voir les apatistes. Non, donc c'est le 1er juin, les Green Dock. Ensuite, ce sera au mois de fin juin, il y aura encore d'autres choses. Vous pouvez regarder de toute façon Soulèvement de la Seine, ça s'appelle. Donc vous pourrez trouver des informations sur les différents événements. Et donc le prochain, ce sera donc le 1er juin. Voilà, du coup, c'était pour vous alerter. On arrête la bagnole absolument. Et puis, donc, si vous voulez commander des produits, vous pouvez écrire à remise à flot, au pluriel, remise et flot également, @gmail.com. On fait une petite pause musicale et puis on va passer aux 30 ans du CSPCL. Comme c'est qu'une fois et que c'est rare d'avoir 30 ans pour un collectif, on en profite. Musique. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire de Winter nous remplit tous de bonheur. Tu me régales joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler le bleu, et nous voilà tous heureux. Patron, plus de patron. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On passe à l'enregistrement de Fait par Constroy, l'émission Constroy, donc avec le CSPCL pour ses 30 ans. On va parler justement de ces 30 ans du CSPCL, du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc, on a trois représentants de ce comité qui sont là. Bonjour le CSPCL. Donc le comité de solidarité a fait ses 30 ans. Donc 30 ans, c'est 1995. Ça veut dire que ce comité, il s'est formé très rapidement après les mouvements au Mexique. Alors effectivement, le CSPCL s'est fondé en 95, mais en fait, il y avait déjà une histoire qui va à partir du 1er janvier 94, quand les communautés zapatistes donc dans le sud-est du Mexique se soulèvent avec les armes à la main pour lutter notamment contre la mise en place d'un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et la réforme de la Constitution qui en fait allait annihiler tous leurs droits de la propriété collective des terres. Et donc les zapatistes lancent une offensive armée à ce moment-là. Et alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, etc. Et qu'en fait, on a eu ici l'information, en Europe, le 2 janvier avec les médias traditionnels, mais aussi, on a appelé des camarades mexicains que l'on connaissait au Mexique. Et donc le 3 janvier, c'est le premier rassemblement qu'il y a eu, 3 janvier 1994, le premier rassemblement qu'il y a eu devant l'ambassade du Mexique. Et ça regroupait de différentes organisations, la Fédération anarchiste, la CNT, le réseau No Pas Aran, et des organisations de défense des peuples autochtones, le Saecien Itacinan et Tribal Act, et des étudiants mexicains, et aussi tout un réseau autour de la défense du peuple Mapuche au Chili. Donc ça a été les prémices, en fait. Ça a perduré tous les mardis ou les mercredis pendant 3 ou 4 semaines. Et le 12 janvier, au Mexique, il y a un cessez-le-feu en fait, qui est décrété. Et il y a la création en France pour un peu maintenir la solidarité d'un éphémère comité de solidarité à l'armée zapatiste de libération nationale. Et en fait, en 1995, l'État mexicain refait une offensive militaire. Et vraiment une offensive pour détruire les zones zapatistes. Et là, il y a un appel international à se mobiliser. Et c'est là qu'on lance l'assemblée ouverte de solidarité avec les zapatistes, qui va devenir en fait l'assemblée du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc cette assemblée s'est tenue tous les mercredis pendant de nombreuses années au 33 rue des Vignoles, le siège de la CNT. Et là, actuellement, il y a des travaux. Donc, en fait, on a émigré et ça va être ici, au CICP, que cette assemblée va perdurer tous les premiers mercredis du mois à partir de 20h. Et c'est une assemblée ouverte. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Au 21 Terre, rue Voltaire. Au 21 Terre, rue Voltaire, où les concerts viennent de commencer. Quelque part, on fête les 30 ans du comité, mais bon, on parle d'anniversaire, mais il y a quand même une situation qui continue à perdurer au Mexique. Et même si, au fil des années, dans Constroy, on vous a reçu régulièrement et on parle de la situation, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation actuelle par rapport à l'année dernière au Mexique et la situation justement au Chiapas particulièrement? Oui, donc si vous en aviez parlé l'année dernière. Oui, ça marche, pardon. La situation, vous avez dû le dire, est de plus en plus délicate et elle continue de s'empirer. Effectivement, ça fait 30 ans que le mouvement existe et qu'il continue de lutter, mais dans un contexte de plus en plus violent du fait de l'arrivée des cartels dans le sud du Mexique, sur ce territoire riche de ressources, sur ce territoire frontière où passent beaucoup de flux, à la fois migratoires, à la fois de marchandises, d'armes. Donc la situation devient de plus en plus violente, avec des affrontements entre cartels, et tout ça avec la complicité des gouvernements. Sur le terrain, on voit tous les jours que les autorités officielles soutiennent implicitement, parfois explicitement, les groupes criminels. De la part du gouvernement fédéral, il y a une minimisation constante des faits, il y a même une criminalisation des organisations de droits humains. L'arrivée de la nouvelle présidente n'a à présent rien changé. Son discours reste le même que celui de son prédécesseur. Elle est rentrée en fonction il y a peu, mais pour l'instant, rien ne laisse entendre qu'elle change de cap par rapport à son prédécesseur. Et notamment, il y a quelques mois, en septembre dernier, il y a eu l'assassinat du prêtre Marcelo, qui était un prêtre très aimé au Chiapas et au Mexique plus largement, qui défendait les droits des indigènes, les droits des communautés qui s'organisaient pour défendre leur territoire face à l'extractivisme, face aux entreprises, aux multinationales, face au gouvernement qui défendent des projets d'aménagement du territoire pour le rendre attractif avec tout le discours sur le tourisme. Le nouveau gouverneur actuel d'ailleurs du parti de Morena, le parti progressiste de gauche, veut faire du Chiapas une sorte de nouveau hub international. Il y a pas très loin du Chiapas aussi l'isthme de Tehuantepec qui est censé devenir, selon les projets du gouvernement actuel, une sorte de nouveau canal de Panama pour des nouveaux flux pour faire traverser les flux des États-Unis vers le Pacifique. Et le Chiapas serait connecté à ce nouveau hub, faire Yapalenque, plein de sites, les sites touristiques très connus, les plages et puis tous les dits pueblos mágicos, donc des sortes de villages fleuris mexicains qui font l'attractivité du Chiapas, et donc les gouvernements, les entreprises veulent développer ce secteur touristique, et ils le font avec une accointance avec les différents cartels qui désormais contrôlent une bonne partie du territoire. Et malgré tout ça, les zapatistes sont là, ont maintenu les rencontres qui ont eu lieu là fin décembre et début janvier, des rencontres internationales à l'attention du monde entier. Plus de 40 pays ont assisté à ces rencontres. Et c'est le début d'une série qui va se poursuivre jusqu'à fin 2025 dans l'idée de se réunir, se parler de la tempête capitaliste qui est en train d'avoir lieu, de constater ses ravages, mais aussi surtout pour commencer à réfléchir à quoi ressemble notre résistance, une résistance à laquelle il donne le nom de commun désormais, comment résister ensemble au-delà du fait d'être zapatiste pour défendre nos territoires, et comment on fait ça ici, ailleurs, à l'international, et donc c'est une invitation à venir au Chiapas, tous les collectifs qui ont été rencontrés lors du voyage pour la vie en 2021, tous les signataires de la déclaration pour la vie, à venir en juillet, août, octobre, selon des modalités qui seront précisées bientôt, on espère, mais donc à venir voir de quoi il s'agit et quel est ce commun qu'ils sont en train de mettre en place, quelles sont les nouvelles propositions, la nouvelle structuration du zapatisme, et comment on fait ensemble pour traverser la tempête jusqu'au jour d'après. Oui, parce que donc si je comprends bien, il y avait une opposition vis-à-vis du gouvernement, et là en fait le gouvernement n'a même plus besoin de s'impliquer, puisque ce sont les cartels qui sont j'imagine au moins aussi violents, voire plus violents, et qui n'ont pas les mêmes les mêmes impératifs que le gouvernement qui peut dire oui, il y a des lois qui empêchent certaines choses. Les cartels, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est facile quand même de continuer à rester optimiste. Parce que on se dit, enfin, souvent les cartels emploient des méthodes qui sont ultra violentes et qui peuvent faire encore plus peur. Donc, comment on fait pour continuer l'espoir Ouais. Effectivement, l'arrivée des cartels, les collectifs, les apatistes, les organisations, de droits humains. Qui observent ce qui se passe, on voit ça comme une stratégie de contre-insurrection qui est menée contre les communautés zapatistes. Effectivement, c'est une aubaine d'un certain point de vue. Ça faisait partie un peu de l'arsenal de la guerre de basse intensité qui est là depuis le début du soulèvement zapatiste que mène l'État mexicain. Là, c'est laisser faire des cartels qui, en fait, au fond, ont les mêmes intérêts que les capitalistes, que les entreprises, voilà. C'est-à-dire des intérêts de puissance et d'argent, et de l'obtenir en exploitant ce territoire, en exploitant les gens, et avec des méthodes qui sont hors cadre légal, évidemment. Donc, l'État mexicain faisait déjà ça à travers les paramilitaires. Donc maintenant, on se met à parler de narco-paramilitarisme, parce que ce sont aussi parfois les mêmes personnes qui sont à cheval entre des cartels et des organisations paramilitaires. Donc, c'est bien plus difficile, bien plus dangereux, bien plus violent de lutter dans ces circonstances. Ça nous inquiète profondément que la situation prenne ce chemin-là et les apatistes prennent acte de cette dangerosité. D'ailleurs, leur restructuration l'année dernière, en 2023, est probablement une réponse en fait, à ce changement de situation, à cet enveniment du contexte, pour mieux se protéger. Et on pensait que ça n'était que ça, mais visiblement, avec les rencontres qui viennent d'avoir lieu, et du coup, ça nous fait dire que les apatistes continuent d'être ce qu'ils ont toujours été, avec leur regard qui porte loin, qui porte au-delà de leur territoire, malgré une reconfiguration qui tend à se protéger, à se replier, à faciliter les échanges locaux, à se concentrer sur le local. Mais en fait, c'est toujours en parlant à l'international, en parlant au monde, parce que ce qui provoque la situation toxique dans laquelle se retrouve le Chiapas, c'est partout dans le monde. Enfin, c'est le système capitaliste qui, avec ses différentes têtes, est en train de produire des situations de tempête partout, quoi. Donc, ils ne peuvent pas lutter seuls dans leur coin. Ils ne peuvent pas lutter uniquement pour libérer le Chiapas. C'est forcément une lutte qui dépasse les frontières et qui doit s'attaquer au système dans son ensemble. Ouais, et donc quelque part, pour revenir au niveau du CSPCL, une soirée de soutien, généralement, c'est pour récolter de l'argent. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines pour le CSPCL? Je pense que le comité de soutien, c'est pas juste de récupérer des sous. Est-ce qu'il y a des actions? Comment est-ce que on peut s'investir et soutenir? Oui, de toute façon, c'est on part de ce principe-là. La lutte, comme vient de le dire notre camarade, dépasse les frontières du Mexique. C'est une lutte pour d'autres peuples autochtones, pour d'autres peuples en lutte, dont actuellement, exemple, on le sait, la Kanaki, les Kurdes et ainsi de suite. Et aussi, la parole zapatiste et surtout le comité de CSPCL, le comité de solidarité avec des peuples de Chiapas en lutte, parce qu'au Chiapas, il n'y a pas qu'un seul peuple, il y a d'autres peuples, il y a d'autres langues, d'autres cultures, et ils sont tous unis comme un seul homme à se battre contre cette tempête capitaliste. Et ils appellent à la solidarité et surtout à créer des ponts entre les luttes d'autres peuples, intergalactique, puisque eux-mêmes l'ont dit en 1996 à la première rencontre intergalactique, et ça va de est à ouest, du nord au sud, semblant tous les peuples en lutte, et surtout en bas et à gauche, et un peu libertaire bien sûr, nous le sommes ici en France. Moi-même, exemple, je fais partie du comité depuis un bon moment, mais aussi je porte une autre casquette, je suis Amazir, un berbère d'Afrique du Nord. Nous, la parole zapatiste nous avait attirés avec leur parole en parlant des luttes peuple autochtone internationales, des luttes internationales et de la solidarité et tout ce qui s'en suit. Nous nous sommes solidarisés avec cette lutte. Nous essayons de rejoindre et de traverser ces ponts qu'ils ont déjà créés un peu partout. Nous essayons de ramener notre solidarité et surtout diffuser l'information. Je ne dis pas prêcher leurs paroles, mais leur lutte, parce que cette lutte est autant que peuple autochtone, ça englobe beaucoup de choses. On s'est rapprochés, nous avons fait pas mal d'actions et de soirées avec le CSPCL. On a tout fait pour qu'on fasse des choses. Et aussi, l'ironie du sort ou la chance, je ne sais pas, cela a apporté peut-être bonheur. Le 12 janvier, le soulèvement a eu lieu le 1er janvier 1994. Une guerre sanglante, beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations, beaucoup de disparus, des torturés. C'était affreux. Et le 12 janvier, ils ont signé un accord de cessez-le-feu. Et le 12 janvier 1994, qu'ils ont signé ça. Et le 2 janvier correspond au nouvel an amazigh, le nouvel an berbère. Et nous voulons dédier en cette période-là presque tous les nouvel an de cette période aux zapatistes et aussi parler de notre lutte, bien sûr, la lutte sociale en bas et à gauche, puisque des luttes en berbérie, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a beaucoup, c'est comme un peu partout. Et fut un temps où nous avons organisé des soirées ici au CICP où on avait nommé les montagnes rebelles sans rencontre. Nous avons parlé de beaucoup de choses des deux côtés. Et les voyages qu'on avait, on est allé à la rencontre des zapatistes au Chiapas. Nous avons montré des films, des luttes, surtout en 2001. En Kabylie, il y a eu une révolte qui a fait quand même plus de 120 morts, sans compter ceux qui sont blessés et handicapés à la vie. Nous avons montré des films sur place et les camarades ici en France, surtout au sein de CSPCL, tout le monde a ramené sa petite pierre. Nous avons sous-titré ces films qui sont en langue amazigh et des fois en langue française, en espagnol pour qu'ils puissent le comprendre. Et sur place, ces films ont tourné. Il n'y avait pas qu'un seul, il y en avait d'autres films. Ils ont tourné à travers le Mexique et surtout au sein de l'Istmo-Tehuantepec, dont il parlait le camarade. Et les gens se reconnaissaient de cette lutte, se reconnaissaient de ces gens-là qui se battaient pour leur culture, qui se battaient pour leur identité, qui se battaient pour leur territoire. Et surtout, une lutte sociale en bas à gauche et contre le capitalisme. Tout le monde le sait, le Mexique et l'Algérie ont du gaz et du pétrole, mais le peuple se chauffe encore avec du bois. Le peuple va encore dans la montagne pour ramener du bois pour se chauffer, quand il le trouve, parce qu'avec les incendies de forêt maintenant, ça devient difficile. Nous sommes rapprochés de ça. Alors, le comité CSPCL, si tout ça, c'est tisser des liens, des ponts. Ici en France, il y a eu des soirées avec des Kanaks, avec des Kurdes, avec pas mal de luttes, avec des Martiniquais, avec la Guyane, surtout la jeunesse guyanaise, qui sont les peuples autochtones de la Guyane qui se sont solidarisés avec cette lutte. On l'a vu pendant le voyage pour la vie en France, ici. Les marches qui ont eu lieu à Montreuil autour des foyers des immigrants, c'était impressionnant de voir comment les immigrants, papiers ou sans papiers, accueillaient les zapatistes. C'était pour eux, c'était une lumière qui arrivait vers eux, un espoir, si vous voulez. Voilà, c'est tout ça, la lutte de CSPCL, c'est une lutte. C'est émettre des ponts pour solidariser les uns et les autres et continuer à se battre contre le même ennemi, le capitalisme et le néolibéral. Oui, donc c'est vraiment ça. C'est ce qui était dit tout à l'heure sur l'internationalisme la volonté d'internationalisme, de lutte et de convergence des luttes, que ce soit au Mexique, en Algérie, en Kanaki, toutes les luttes. Et donc le CSPCL, c'est son but, c'est de créer des ponts, des liens entre toutes ces luttes. C'est ça. C'est ça, et c'est aussi à travailler avec nos camarades zapatistes sur place, les aider à des projets. On travaille avec l'importation du café des coopératives zapatistes. Avec l'argent, on finance des projets, que ce soit des projets de la santé, de l'éducation, etc. Ainsi que des organisations autour du Congrès national indigène du Mexique. Et un travail qui a été fait et qui est important en ce moment, justement avec la montée des narcos, c'est d'aider à la formation de BRICOS. Alors les BRICOS, c'est des observateurs ou observatrices internationales. Et c'est quelque chose, on fait des formations ici, on est en lien avec des organisations sur place, Freibar qui fait cela. Le concert de ce soir est pour... Et pour Hunash, une maison assez internationale, justement. Et si on parle des milliers de personnes du monde entier qui sont venues rencontrer les zapatistes, en apprendre, échanger, et qui vont continuer à venir, vu les actualités, une bonne partie d'entre elles et eux passent par une maison qui se situe à Saint-Cristobal, qui s'appelle Hunash, qui est une maison autogérée et qui est... aujourd'hui avec des difficultés financières car les loyers ont beaucoup augmenté dans l'ensemble à Saint-Cristobal. C'est une maison qui est louée et qui risque peut-être de disparaître si suffisamment de ressources ne sont pas récoltées. Donc il y a des camarades ici qui sont passés par cette maison qui organise une solidarité. Donc c'est pour ça qu'une partie des fonds vont être reversés à cette maison. C'est une maison... vraiment, vraiment importante pour la solidarité internationale avec les zapatistes. Et dernière chose, parce que là on arrive vraiment au bout. Comment qu'on fait pour vous aider ? Quel contact ? Le contact, il y a le site qui est cspcl.ouvaton.org. Il y a également un nouveau fil Instagram qui s'appelle Graines Zapatistes, graines.zapatistes, où on essaye de publier les actualités du mouvement et rendre accessibles les bases aussi du mouvement. Et pour militer à nos côtés, c'est donc le premier mercredi du mois à partir de 20h au CICP 21 Terre rue Voltaire. À Paris 11e. Et donc là, en fait, on travaille à la solidarité concrète et directe avec les communautés zapatistes. Où on peut trouver des produits zapatistes pour acheter le café et tout ça aussi Non, c'est plus des réunions de coordination, des assemblées, mais on a notre local un peu plus haut. Donc oui, si vous avez besoin de café, etc., on peut s'organiser. Ouais. Ok, et eh ben merci. On va pouvoir terminer cette émission, rejoindre la partie festive avec les concerts. Merci à tous, bonne soirée, bisous. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes. On va faire une petite pause musicale. Je remercie Constroy pour cette émission de radio. Et donc, on continue avec une petite pause musicale. Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs sont pifs, la tension monte, les tiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires. soir, parqué dans des cités dortoirs, prisonnier derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles couvissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des singes conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout fini en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde. Donc on est toujours sur FPP, c'est la jungle des luttes. On parle, donc vous avez entendu parler donc des apatistes, de enfin surtout de la solidarité qui est menée par le comité de solidarité avec les peuples du Tchad passé en lutte, donc CSPCL, avec les différentes au fur et à mesure du temps des ramifications qui se sont faites du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec aussi donc différents projets. On parlait du café, donc justement. Et puis de l'artisanat, de la formation de dentiste, etc. Du coup, ça a été une belle aventure. Depuis quelques années, depuis le Covid, les compasses sont surtout venus en France. Donc, c'est ce qui a surtout marqué les dernières années, aussi la fermeture à cause du Covid. Et ce voyage, donc, pendant plusieurs années, ils ont mis en pause leur projet. Et donc notamment, on vous en avait parlé, cette réflexion pendant 3 ans sur leur organisation, et puis de mettre tout à plat et de reprendre, non pas à zéro, mais autrement. Et donc, du coup, il y a des événements, de la violence sur le territoire. Vous en avez entendu parler aussi également dans cette émission qui a été retransmise à l'instant. Et puis, donc, justement, vous avez entendu parler des brigades d'observation, les BRICOS. On vous en avait parlé aussi puisqu'on avait fait une formation dernièrement au mois d'avril. Et donc, on vous invite en tous les cas donc à poursuivre, si vous en avez envie, ces échanges en direct. Et puis sinon, de continuer avec nous sur notre programme du lundi, du troisième lundi de 19h à 20h30. Donc. Et sur l'actualité très récente, justement, il y a eu, comme c'est arrivé souvent, on accuse les apatistes d'un certain nombre de délits. Ou d'homicide, et puis on attaque aussi les communautés directement, et donc parce qu'ils sont apatistes, et donc précisément parce qu'ils maintiennent cette organisation, et finalement également ces relations de bon voisinage avec des non-apatistes, ce qui du coup, la stratégie, ça a été aussi de monter les uns contre les autres, et donc les apatistes, ça fait partie aussi de leur résistance. C'est de jamais tomber dans un affrontement entre ce que eux peuvent dire, c'est nos frères. Effectivement, en plus, c'est parfois des gens de la même famille, puisque c'est des réalités réelles. Donc, c'est des gens qui se sont organisés depuis la base, et donc des familles entières, parfois que des moitiés de famille. Mais en tous les cas, toujours un respect pour la vie. Et justement, quand ils ont fait ce voyage, ils l'ont appelé. Ce voyage pour la vie. Et justement, quand ils s'adressent à nous, ce que je vais vous lire, justement, le texte qu'ils ont écrit là, début mai, c'est pour justement mettre à jour cette histoire qui a eu lieu donc, avec deux enlèvements de zapatistes et qui auraient soi-disant été les instigateurs d'un enlèvement. Et donc, je vais vous lire le texte qu'ils écrivent parce que ça nous permet aussi de voir la façon dont les apatistes prennent en charge la question de la justice, vu que c'est souvent des questions qu'on nous pose. Là, c'est un exemple qui illustre bien, je crois. Après, on peut se poser aussi plein de questions sur quand, quoi, donc. Mais enfin, en tous les cas, je vais déjà vous le lire. et puis on verra après si on peut en discuter. Armée zapatiste de libération nationale Mexique, mai 2025. Aux signataires de la déclaration pour la vie, donc ceux qui les ont signés, c'est ceux qui ont participé à ce voyage pour la vie, donc en 2021. Donc aux signataires de la déclaration pour la vie, à la Sexta nationale et internationale, au Congrès national indigène, au peuple du Mexique et du monde. Nous vous expliquons ce qui s'est passé avec les deux compañeros, base d'appui zapatiste, José Valdemar Santis Santis et Andrés Manuel Satis Gómez, arrêtés illégalement et séquestrés par les forces conjointes du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'État le 26 avril dernier de cette année, 2025. Ils sont restés portés disparus pendant 55 heures et n'ont été présentés devant l'autorité corrompue que grâce à la pression excusez-moi, oh putain, j'ai eu un appel, ça m'a tout foutu en l'air. Ils sont restés par que grâce, pardon, à la pression du Centre des droits de l'homme Fray Bartolomé de las Casas. Ils ont été accusés d'enlèvement aggravé à l'encontre de Pedro Díaz Gómez. Les forces de la garde nationale, l'armée fédérale et les dénommés Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, Force de Réaction Immédiate PACAL, ont profité de l'arrestation pour voler des biens et de l'argent aux personnes détenues ainsi qu'aux communautés. Elles ont volé une voiture, une moto et une importante somme d'argent. Pendant que le gouvernement suprême jouait avec la vie, la liberté et les biens des personnes détenues illégalement, les autorités autonomes zapatistes ont mené leur propre enquête selon le guide de Verdad y Justicia en Común, la vérité et la justice en commun. On en parlait tout à l'heure. Je vous rappelle qu'en tant que peuple organisé en commun, nous avons des principes et des règlements. Il n'est pas permis d'attenter à la vie, à la liberté et aux biens d'autres personnes, quelle que soit leur idéologie, leur parti, leur religion, leur préférence sexuelle, la couleur de leur peau, leur race, leur langue, leur nationalité ou leur position sociale. Les cas d'assassinat, d'enlèvement, d'agression, de viol, de falsification et de vol sont des fautes graves. En outre, le trafic, la production et la consommation de drogue ne sont pas permis. Il en va de même pour l'ivresse et d'autres fautes déterminées en commun. Tout compañero ou compañera, indépendamment de sa charge ou de son rang, qui commet des délits graves, est exclu des zapatistes. Lorsque l'arrestation et les graves accusations portées contre ces deux compañeros ont été connues, les GALES, c'est-à-dire les gouvernements autonomes locaux zapatistes, ont enquêté pour savoir s'ils étaient impliqués dans des affaires d'enlèvement. La structure organisationnelle chargée d'enquêter a conclu à l'innocence des deux compañeros. Ceci a été porté à la connaissance du Fraiba, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Sans se satisfaire de cela, les autorités autonomes ont poursuivi leur enquête et ont confirmé la participation au crime de deux autres personnes. Ces criminels ont été arrêtés et, dans le respect de leurs droits humains, placés sous la garde d'une des communautés zapatistes. Les deux criminels ont avoué l'enlèvement et l'assassinat de Pedro Díaz Gómez et indiqué l'endroit précis où ils avaient enterré le corps. Ils ont signalé la complicité d'autres personnes. Cela a été porté à la connaissance du Fraiba, qui en a informé les autorités du mauvais gouvernement. Voyant qu'elles allaient être à nouveau ridiculisées, les autorités corrompues se sont empressées de mobiliser leurs forces pour arrêter une des personnes signalées qui était en fuite. Cette personne a confirmé ce qui avait été avoué aux autorités zapatistes. C'est ainsi qu'elles sont arrivées sur le lieu où était enterré le corps de la victime du délit. Tout ceci, le gouvernement l'a su à ses trois niveaux, c'est-à-dire fédéral, de l'État et municipal. Mais il n'a rien fait. Au lieu de libérer immédiatement les compañeros innocents, nos compañeros innocents, ils ont fait traîner l'affaire et proposé un échange de prisonniers. Ils comptaient ainsi soudoyer la presse et lui vendre l'histoire selon laquelle tout le mérite revenait à la justice fédérale et à la justice de l'État. Et aussi comptait-il ainsi garder ce qui avait été volé aux pauvres originaires qui avaient subi leurs attaques. le mauvais gouvernement a à nouveau envoyé ses forces répressives à la recherche d'une quatrième personne impliquée. Mais non seulement ils ne l'ont pas arrêté, sinon qu'ils en ont à nouveau profité pour voler des biens appartenant aux communautés. Pendant ce temps, les autorités fédérales et de l'État ont exercé des pressions et des mesures sur les défenseurs et des menaces sur les défenseurs des droits humains, car leur dénonciation allait les montrer pour ce qu'elles sont, des gens qui répriment des innocents et fabriquent des coupables. À l'aube de ce 2 mai 2025, les deux criminels, passés aux aveux et arrêtés par les apatistes, ont été remis au Centre des droits humains, Fray Bartolomé de las Casas, pour que soit contrôlé leur état de santé et pour vérifier si leurs droits avaient été violés. Le Fraiba s'est chargé de remettre les coupables à l'autorité institutionnelle. Dans la matinée de ce 2 mai, nos compañeros Valdemar et Andrés ont été libérés. Mais les voleurs du gouvernement ont refusé de leur remettre tout ce dont ils les avaient dépouillés. Tout ce que disent les gouvernements de la Cuarta Transformación à propos, c'est-à-dire le gouvernement au pouvoir, à propos des peuples originaires et des mouvements sociaux est mensonger. Ils sont pareils ou pires que les gouvernements antérieurs, priistes, panistes. Ces nombreux détenus dont ils se vantent, pour plaire au Trump, sont en majorité des innocents. Au lieu d'acheter des opinions favorables dans la presse et les réseaux sociaux, les mauvais gouvernements devraient payer convenablement leurs forces répressives pour qu'elles n'aient pas besoin de voler ceux qui ont moins ou qui n'ont rien. Ce qui est arrivé ne concerne pas seulement nos territoires. Dans toute la géographie appelée Mexique, les communautés originaires, les défenseurs de la terre-mère, les défenseurs des droits humains, les mouvements et organisations sociales, les migrants et même les simples personnes qui travaillent jour après jour pour gagner honnêtement leur pain quotidien sont estorqués, agressés, enlevés, portés disparus, emprisonnés, assassinés par un gouvernement avide des faveurs du pouvoir de l'argent. Ils sont irrécupérables. Le système capitaliste est mal né, produit d'injustice, de sang et de vol. Et cela se poursuit ainsi jusqu'à maintenant. Peu importe les drapeaux sous lesquels il se cache, son signe est la mort et il le portera ainsi jusqu'à la fin de ses jours. En tant que peuple zapatiste, nous avons pensé à une façon de combattre l'empire de la mort. Nous appelons ce chemin le commun. Et dans cette pénible situation passée, on a vu que le commun chemine pour la vérité et la justice. Obtenir la libération de nos compañeros innocents a été le fruit d'un triple effort. Celui des défenseurs des droits humains, celui de la solidarité et du soutien national et international, et celui de la justice autonome. C'est le moment de ne pas oublier les autres peuples frères, proches et lointains en géographie, qui subissent les attaques mortelles du mauvais système. N'oublions pas les peuples originaires, les disparus et celles et ceux qui les cherchent, les défenseurs de la terre-mère, les personnes qui ne sont qu'un numéro dans les statistiques du crime, le peuple palestinien. Pour la vie, justice et vérité en commun, des montagnes du sud-est mexicain, sous commandant insurgé Moïsès, Mexique, mai 2025. Voilà, c'était ce texte-là qui donc explique que vous l'aurez compris, donc que les apatistes ne font pas confiance à la justice et surtout doivent mettre en place des mécanismes pour essayer de combattre les injustices dont les apatistes sont très régulièrement victimes, puisqu'on leur a collé sur le dos de nombreux meurtres ou tout un tas de choses, ou des vols. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça a été aussi quelque chose qui s'est passé avec, depuis leur nouvelle organisation qu'ils ont mise en place donc depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, de voir que ça a été au niveau des communautés, et pas forcément comme on le voyait avant, au niveau des juntas, c'est-à-dire comme ils l'ont dénoncé, cette sorte de pyramide qui avait fini par se créer malgré eux. Et ce manque de fluidité entre la base et cette junta qui, qui était finalement devenu une sorte de contrôle par le haut, ou en tous les cas, plus de mécanismes horizontaux. Et donc là, on a l'impression qu'effectivement, ça a été les groupes des communautés qui étaient concernés par la zone en question, puisque du coup, cette personne, elle a été enlevée. Et donc, c'est les personnes de cette communauté qui ont mené cette enquête, enfin, de cette région. Et donc, on voit aussi que ça a pu aussi réussir, enfin, fonctionner. C'est-à-dire que les apatistes ont suffisamment... peut-être de pouvoir, au sens de respect, d'être respecté par les non-apatistes, être aussi une force, au point que du coup, finalement, ils ont pu détenir la vérité. Après, on pourrait se demander pourquoi avoir remis à cette justice du mauvais gouvernement. Ben, évidemment, ce n'est pas des apatistes et ils ne peuvent pas, eux, prendre en charge... la justice et la condamnation de ces personnes qui ne sont pas apatistes, contrairement à quand il s'agit d'un crime à l'intérieur, enfin un crime, quelque chose condamnable. Donc comme il le disait, t'es exclu de l'organisation apatiste. Après, on sait aussi que justement, il y a des réparations qui sont mises en place à la mode apatiste. Et donc, on voit aussi le rôle important et ce rapprochement de plus en plus prégnant entre le Freibad, donc cette association des droits de l'homme, et qui du coup est très importante aussi, je pense, actuellement dans cette situation de violence, qui est super importante en fait, ce lien qu'il y a avec le Freibad. Donc c'est pour ça qu'on vous incite à éventuellement, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de découvrir et d'apprendre. Donc, si vous allez au Chiapas, ben voilà, de se rapprocher à Saint-Cristóbal de las Casas du Freibad, qui est aujourd'hui le meilleur acteur de confiance auquel on peut avoir accès pour être en lien avec les apatistes, ou en tous les cas, apprendre, et puis éventuellement soutenir d'autres communautés, puisque comme le Freibad fait des brigades d'observation plus sur les territoires apatistes actuellement jusqu'à nouvel ordre, mais dans d'autres communautés qui, elles aussi, sont en résistance vis-à-vis du système et ont aussi besoin de notre solidarité, de notre appui. Et puis, ben voilà, du coup, je trouve que c'est aussi important que les apatistes n'oublient pas le peuple palestinien. Et on aurait pu faire une émission, parce que je pense que c'est le seul thème aujourd'hui dont il faudrait pouvoir parler. On serait pas conséquent pour en parler, donc on n'en parle pas. Mais donc voilà, un grand salut à ce peuple en résistance. Et ça m'a un petit peu ému, on fait une petite pause musicale. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida. avanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Ça, 6.3 FPP, c'est la jungle des luttes. Donc, on vous a annoncé qu'on allait faire un petit week-end à la fin du mois, donc samedi et dimanche, à la Parole Errante à Montreuil, avec différentes activités, différentes choses. Et je te laisse nous présenter, Paul. Ouais. Petit week-end de solidarité à la Parole Errante à Montreuil, métro Croix de Chavaux, 59 rue François de Bergue, les 31 mai et 1er juin. Voilà, c'est un week-end en deux temps, mais qui reste articulé autour de la solidarité internationale avec le Mexique notamment, mais aussi bien ailleurs. Week-end de solidarité dont nous consacrerons le samedi 31 mai à la lutte contre le projet intégral Morelos, lutte de longue haleine dont nous avons perdu un compagnon, Samir Flores Soberanes, en 2019, compagnon dont nous ferons l'inauguration de son buste, un buste que nous avons reçu directement du Mexique. Bustes distribués dans 6 géographies qui ont été impliquées ou sont toujours impliquées dans le projet intégral Morelos et donc sont des responsables intellectuels, si ce n'est parfois peut-être complices matériels de son assassinat donc à Emil Singo en février 2019. Donc voilà, première journée du 31 autour de Samir, autour de la lutte contre le projet intégral Morelos, autour des radios communautaires. Donc voilà, il faut savoir que Samir, outre un opposant, un fervent opposant à ce projet, à ce méga projet de centrales thermoélectriques, d'un aqueduc, d'un gazoduc qui traverse trois régions volcaniques en fait du Mexique. Samir avait était à l'origine de la création de la radio d'Emil Singo, une radio communautaire qui a particulièrement relayé la voix des luttes d'en bas contre le méga projet. Voilà, nous ferons du coup à cette occasion-là du 31 mai, il y aura une petite combinaison entre l'inauguration du bus de Samir à la Parole Errante qui sera là du coup qui sera là en permanence et les thématiques des radios communautaires, des liaisons entre les radios et les luttes et tout ce qui sont autour de la mémoire, de la vérité et justice des textes que nous avons lus des compasses zapatistes. Et on enchaînera. Donc ça, c'est à quelle heure? C'est à partir de 15h30. C'est à partir de 14h. À partir de 14h, on ouvrira les portes avec un petit accueil convivial. Et ça nous emmènera un peu jusqu'en début de soirée, 19h30, 20h grand max. C'est une journée. Je vais finir de vous la présenter avant de passer à la seconde. Mais c'est une journée qui sera articulée aussi par une exposition photographique itinérante. Qui est une exposition qui a été montée il y a quelques mois et qui va voyager un petit peu dans différentes géographies françaises du territoire français pour relayer un petit peu des actualités du Mexique, notamment la première session des rencontres internationales des résistances et des rébellions 2024-2025, qui sont des rencontres internationales convoquées par les zapatistes, mais aussi d'autres, en lien avec d'autres organisations aussi de lutte au Mexique, qui ont lieu au Chiapas, dont la première session a eu lieu en décembre 2024, janvier 2025, et dont une seconde session a eu lieu récemment, fin avril, autour des arts, et d'autres sessions thématiques auront lieu tout du long de l'année 2025 jusqu'en décembre 2025 et le passage de décembre à janvier 2026 et la célébration du coup des 32 ans de l'insurrection zapatiste. Pour la journée de samedi, on va avoir une fanfare probablement, en tout cas un moment musical de convivialité qui nous permettra d'inaugurer ensemble le bus de Samir dans le jardin de la parole, mais aussi une projection d'un court-métrage réalisé au Mexique, un court-métrage biographique sur la vie de Samir Flores, d'une vingtaine de minutes, très accessible et particulièrement instructif. Sur la lutte de Samir, sur tout le combat qu'il a mené des années durant contre le projet Intégral Morelos. Projet Intégral Morelos, j'aimerais quand même pouvoir le dire, nous avons une implication en tout cas en tant que Français-Françaises, dans la mesure où une transnationale, la transnationale Saint-Gobain, qui a ses locaux en Île-de-France, participe activement en fait à ce méga projet au Mexique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu du Mexique le bus de Samir, qui a été aussi semé par les collectifs de mémoire pour Samir au Mexique, en Italie, mais aussi au Pays Basque, aux États-Unis, où différentes transnationales sont impliquées dans le projet. Donc on a une petite projection, pour Samir, une émission radio sur plateau. Donc vous aurez l'occasion de découvrir un plateau radio sur scène, sur la scène de la parole errante. Émission radio du coup en deux temps, avec un premier temps autour de Samir et on fera une vraie reprise contextuelle et aussi des enjeux internationalistes en fait de la lutte contre le projet Intégral Morelos, et un second temps autour des radios communautaires dont FPP sera présente pour partie, notamment la jungle des luttes. Ça sera un moment d'échange autour de la radio comme outil populaire, outil populaire de lutte, de mobilisation, d'information. Oui, parce que pour le coup, là, on a vachement à apprendre du Mexique. En tous les cas, c'est une réalité au Mexique, vraiment. Et du coup, c'est bien d'en parler, de nous stimuler, nous aussi. Oui, carrément. On aurait aimé d'ailleurs pouvoir aussi inviter des radios au Mexique, parce que c'est vrai qu'on vous invite à écouter une émission mexicaine, parce que c'est vrai que il y a vraiment quelque chose de très singulier et de particulièrement agréable. Mais nous, on aura des super radios aussi qui font du taf de fou sur Paris et bien ailleurs. Donc voilà, ça, sera l'émission en deux temps, au milieu de la journée. On finira, par l'inauguration du buste, avec la pose d'une plaque commémorative venue du Mexique. Et on essaiera de le faire aussi en musique, pour que voilà, ce moment de mémoire soit un moment aussi de convivialité et qui nous permette de tisser différents liens entre nous. Donc voilà, je vais enchaîner un peu rapidement avec la journée du dimanche, donc le dimanche 1er juin. Alors un petit clin d'œil, en juin là, en fait, on va célébrer les 20 ans de la Sexta. Vous vous souvenez sans doute que dans le texte que nous avons lu des Apatistes, il s'adressait à la fois aux signataires de la Déclaration pour la vie de 2021, mais aussi aux signataires, aux membres de ce réseau international en bas et à gauche de la Sexta, donc la sixième déclaration de la jungle Lacandon de 2005. Voilà, qui avait... La sixième est d'ailleurs leur dernière déclaration. Tout à fait, la sixième est la dernière. Depuis, ils restent sur... tout en redonnant d'autres formes et toujours plein d'autres initiatives, mais du coup, c'est comme un peu l'aboutissement de tout ce chemin qu'ils avaient fait, créer un front anticapitaliste en bas à gauche. Voilà, qui montrait vraiment la détermination anticapitaliste du mouvement zapatiste qui a toujours été anti-néolibéral, en tout cas on le sait depuis l'insurrection, mais là les mots sont clairs et posés, et qui appelaient justement au tissage d'un réseau planétaire de lutte anticapitaliste située en bas et à gauche, et aujourd'hui qu'on pourrait dire des luttes pour la vie depuis la déclaration de 2021. Donc voilà, ça permet d'embrayer donc cette journée-là, consacrée à la fois à une présentation introductive un petit peu du mouvement zapatiste pour celles et ceux qui seraient plus lointaines du mouvement, ou bien qui aimeraient se replonger un peu plus en profondeur dans les différentes expérimentations politiques que nous accompagnons solidairement depuis le Chiapas Rebelle, mais aussi un ensemble de conception, d'élaboration conceptuelle, dont La Tempête et Le Jour d'Après, qui sont le thème des dites rencontres internationales des résistances et des rébellions 2024-2025. Donc voilà, cette journée du 1er juin, c'est une journée d'écho aux rencontres internationales qui ont lieu en ce moment même au Mexique. C'est aussi une journée à la fois introductive, mais aussi d'une certaine manière stratégique dans la volonté de penser les possibles suites à construire du voyage pour la vie, de cette ébauche d'un voyage planétaire zapatiste, dont le premier continent était Europe autrefois, Slumilkoshenkop aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de faire écho à ces rencontres internationales, c'est d'introduire le mouvement pour celles et ceux les plus lointaines, mouvement qui a déjà fêté ses 30 ans d'insurrection et plus de 40 ans d'organisation. Il y aura aussi également donc des tables de presse où vous pourrez éventuellement avoir de la documentation, des livres, éventuellement du café ou de l'artisanat. Il y aura peut-être une petite... Normalement, c'est prévu une petite restauration mexicaine. Pour ceux qui n'auront pas eu le temps de se restaurer en arrivant le dimanche, il y aura normalement de quoi s'alimenter. Voilà, pour continuer. Pour pouvoir avoir l'esprit clair. Voilà, tout à fait. Et pour nous mener en fin de journée du dimanche à un moment dédié à déplier un petit peu plus les actualités du mouvement de ce long cheminement zapatiste, notamment les rencontres internationales, donc quelques échos de la première session à laquelle certains d'entre nous ont eu l'occasion de participer. La première session que du coup vous pourrez aussi voir via un autre support, en fait connaître via un autre support qui est la photo. Donc il y a différentes photos qui retracent à la fois les rencontres au CIDESI, l'Université de la Terre à San Cristobal, rencontre disons théorique sur d'une certaine manière, et puis bien évidemment l'ensemble du travail pratique mis en place par les apatistes, donc dans le caracol de Oventic, où on a eu l'occasion et ça a déjà été abordé dans cette émission La Jungle des Luttes, mais on a eu l'occasion de voir un ensemble de pièces de théâtre apatistes autour du commun, autour d'un ensemble d'initiatives particulièrement inédite, mais aussi et surtout intéressante, inspirante, que sont le commun, que sont la catégorie, enfin la qualification de l'état de nos crises des niveaux locaux, au niveau planétaire, comme étant une tempête, donc une sorte de conception métaphorique de la tempête, et le jour d'après, ce qui est cet horizon auquel les apatistes nous ont toujours conviés, qui est l'horizon d'un autre monde possible, d'autres mondes possibles au pluriel, des mondes pour tous les mondes, en tout cas pour tous ceux, pour tous ceux qui respectent la vie dans son acception très très large, et voilà, et du coup cette journée là on aura l'occasion de voir des projections de films apatistes, donc à la fois des films datés, des films de 94, 96, peut-être 2001, c'est encore une surprise, et des films plus récents qui retracent du coup les dites rencontres, et le post-voyage pour la vie, donc cette nouvelle étape ouverte pour le mouvement zapatiste depuis 2021. Ouais, d'ailleurs, ce voyage pour la vie, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de partager certains moments sur place, ici à Paris ou en banlieue, puisque les apatistes se sont, ou peut-être même en province, puisque du coup les apatistes sont allés, ou même à l'étranger, puisqu'ils sont allés partout en Europe, à l'exception de la Grèce qui ne pouvait pas les accueillir à cette époque-là, mais du coup après ils ont pu reprojeter un autre voyage. Mais donc ça a été aussi une épreuve, ce voyage pour la vie, parce que c'est aussi... nous mettre face à une difficulté, ça a été de les recevoir, puisqu'ils sont arrivés plus de 500 personnes en Europe, plus de 500 apatistes répartis en équipe de 7-8 personnes. Une petite délégation. Qu'il a fallu donc accueillir, qu'il a fallu se coordonner. Et je pense que ça nous a mis face à cette incapacité aussi à peut-être travailler ensemble, réussir à se coordonner. Parce que chacun est un petit peu dans son mode de fonctionnement, et c'est vachement bien qu'on soit tous autonomes les uns vis-à-vis des autres et qu'on puisse inventer nos modes. Par contre, on n'arrive peut-être pas à tolérer les autres modes ou faire en sorte que du coup, on puisse fonctionner à côté et puis parfois ensemble pour certains événements ou certaines thématiques peut-être qui pourraient nous rassembler et qui nous permettraient de... Donc voilà, ça, je pense que c'est les difficultés auxquelles on est tous confrontés depuis des années, dont on a tous conscience, sans parler de la question du capitalisme qui est quand même ancré en nous, malgré nous, qui fait qu'on a peut-être des égos et des individualités qui font que le collectif en soi, c'est pas totalement pour tous une partie intégrante de soi-même, justement. Contrairement peut-être à ces personnes au Mexique qui ont eu l'habitude de vivre en communauté, le collectif. Donc, en ça, ils ont peut-être une longueur d'avance. Mais par contre, c'est un apprentissage auquel ils nous invitent déjà depuis longtemps, auquel on est nombreux et nombreuses à s'efforcer. Et donc, bah voilà, du coup, on espère que et je pense que les apatistes ont toujours parlé de collectif, de faire ensemble, que les personnes concernées, c'est celles qui vivent, qui doivent pouvoir décider. Et je pense que s'ils ont passé, eux, encore aussi un cap en parlant du commun, c'est parce que même eux aussi, encore, ils ont besoin d'inventer. Et donc, bah nous, voilà, je pense qu'on invite à réfléchir ensemble, et en sachant que peut-être si on pouvait retrouver les collectifs avec qui on a pu partager pendant ce voyage pour la vie, parfois aussi être en conflit et pas réussir à communiquer, des problèmes de communication, un petit peu le truc récurrent. On parle souvent du fait que savoir parler aux autres et savoir les écouter, ouais, c'est effectivement ce que les apatistes ont souvent mis en avant. Et bon, voilà, ça a été une belle aventure, ce voyage. Ça nous a appris plein de choses. Et on a encore beaucoup de choses à créer, à inventer. Donc, en tous les cas, voilà, venez ce week-end du 31 et du 1er juin à La Parole Errante. Et fin août, peut-être, justement, j'espère qu'on réussira à organiser la projection d'un film, justement, sur le voyage pour la vie, qui a été fait par des compasses qui étaient en tant que médias libres pendant ce voyage pour la vie. Il y avait 2-3 équipes de médias libres du Mexique qui étaient pendant ce voyage. Donc certains sont venus à Paris. Et puis, donc il y a 2 films qui sont... Enfin, il y en a un qui est déjà sorti comme film et qui est en train de tourner au Mexique et qu'à un moment, on essaiera de vous projeter. Et puis, il y en a un autre aussi, donc fin août, où les compasses, eux, seront là et espèrent justement, c'était leur demande, donc c'est pour ça que j'en parle, ils aimeraient bien revoir tous les collectifs qu'ils avaient rencontrés lors de ce voyage pour la vie, que ce soit les cantines solidaires, les brigades de solidarité populaire, les sans-papiers, les CSPCL et puis tous les autres collectifs qui étaient là à Argenteuil. Ouais, bon, bref, tous ceux qui étaient là à cette époque-là. Est-ce qu'on va réussir? On ne sait pas, mais en tous les cas, c'était une demande qui venait de ces compasses des médias libres. Je me dis que voilà, ce sera peut-être l'occasion d'essayer de... Vu que l'invitation viendra de l'extérieur, peut-être que tout le monde sera curieux de voir ce film, puisque du coup, ça a été un moment où je ne sais pas si nous, en France, on n'a pas eu beaucoup de médias libres. On a eu déjà un film qui est sorti, mais qui était peut-être plus centré sur nous, en France, forcément. On n'est pas beaucoup de ce territoire à avoir voyagé sur d'autres territoires et de ramener du matériel. Mais du coup, voilà, on espère que fin août, vous pourrez tous venir voir ce film sur ce voyage pour la vie pour un peu s'y repencher, parce que ça a été comme une sorte de comment on va dire, une mini tempête, mais cette fois, voilà, c'est ça, donc je n'arrivais pas à trouver un vent, un vent frais, doux. Ouais, et voilà, et chaud et rebelle qui avait soufflé sur nos terres. Et donc voilà, il y a des choses en perspective. Et puis du coup, on peut vous rappeler que donc on se retrouve le troisième lundi du mois au mois de juin. Donc, et puis vous pourrez nous réécouter quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et puis on a un site cspcl.uvatopaoa.org où vous pouvez trouver plein de choses, plein de textes, plein d'informations. Et également, donc, nous retrouver le premier mercredi du mois à 20h au CICP. C'était la jungle des luttes. Merci Pascal pour la technique. Merci à FPP. Un petit coucou, un salut à Lucien. T'es toujours dans nos cœurs. Et voilà, c'était la jungle des luttes. Merci. Salut. Bye.